Okay, thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Eh bien, salut à tous, salut Alex, salut Fabrice qui est à la technique ce soir. Oui, bonsoir. Salut. Et pour une émission du beau bizarre qui va être assez éclatée hein, ce soir, il n'y aura pas de thème, mais on vous promet de commencer avec une musique plutôt électronique planante et de finir avec du punk. Et entre les deux, il y aura du reggae. Voilà, donc je pense voilà. Nous sommes assez œcuméniques dans cette émission, donc tout le monde en aura pour son argent. Exactement. Et on va commencer avec Alex qui est le spécialiste du beau bizarre pour tout ce qui concerne la musique allemande. Exactement. Et nous allons d'abord, avant de passer en Allemagne, nous attarder un petit peu sur la Russie. C'est pas souvent. Alors on va écouter Evgeny Voronitsky, alias Sis Finitum, musicien moscovite qui a commencé à produire de la musique électronique au début des années 1990 et qui collectionne les synthétiseurs et claviers made in Russia, justement. Donc tout ce que vous allez entendre dans le morceau Swimming Ground que l'on va passer est uniquement interprété sur du matériel soviétique. Voilà, une musique historique, atmosphère. Ah, oui, tout à fait. Oh, je peux citer quelques noms, hein, si jamais il y a des connaisseurs. Hein, l'ANX, le Polyvox, le Formanta UDS. C'est assez magnifique tout ça. La poésie. Et vous verrez les sonorités, le son tout aussi. Deux albums à ce jour. Là, le titre donc Swimming Ground est tiré de Bezdna, sorti chez Monochrome Vision en 2005. Voilà, une musique atmosphérique, mais sombre aussi, bien sûr. comme le faisait justement remarquer Cédric tout à l'heure, l'Allemagne n'était pas loin. Nous avons fait une petite transition, une petite dérive entre Russie et Allemagne. Et là, vous venez d'entendre Konrad Schnitzler, qui nous a quittés l'an dernier, à l'âge de 77 ans. Le titre, c'était Underwater Church. Ça date du tout début des années 80. Konrad Schnitzler, un élève de Joseph Beuys, qui a travaillé aussi avec Stockhausen et qui a fait partie quand même de deux formations mythiques allemandes, pour leur premier disque en tout cas, c'était Tangerine Dream et Cluster. Cluster à l'époque avec un K. Je voulais dire, oui, que ce titre, donc sorti sur un album qui s'appelait Ballet Statique, était produit justement par Peter Baumann de Tangerine Dream, qui aura produit 4 ou 5 des disques de Konrad Schnitzler. Là, il y a une grosse, en ce moment, une grosse actualité avec beaucoup de rééditions, parce que c'est une discographie vraiment pléthorique. Il a sorti plus de 100 cassettes, toutes autoproduites. Et là, je crois que l'entourage de Konrad Schnitzler est en train un petit peu de rééditer tout ça, de numériser et de rééditer. Donc, je pense qu'on vous en reparlera très tôt dans le Beau Bizarre. Et on va rester en Allemagne, justement, Cédric, avec là aussi... une formation absolument. On parlait de groupes mythiques, bon, effectivement, avec DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, et le morceau qu'on va passer, par contre, c'est un des plus récents, hein. Ich bin Morgen wieder da. Donc, DAF, c'est un groupe à la fois punk, électro, cold wave, c'est tout ça à la fois. Le morceau, donc, il est sorti en 2003 sur leur dernier album en date. Donc là, c'est plutôt musique numérique, hein. Funzin Neue DAF Lieder. Alors, je rappelle que DAF, c'est un duo allemand, donc, composé d'un fils d'émigré espagnol marqué par le punk, Gabi Delgado Lopez, au chant, et d'un pianiste classique attiré par Bartok, Robert Girl, qui s'occupe de la rythmique et de l'électronique. Cette collaboration, elle a produit une musique au rythme soutenu, qui est dansante, mais sans être pop, qui est souvent minimale sans être vide, qui est souvent cynique, mais aussi puissante. Bref, l'un des groupes les plus novateurs de la musique moderne. Voici Ich bin Morgen wieder da. Thank you. kaputt geht, bin ich morgen wieder da. Deine süßen Küsse haben immer Glück gebracht. Mach dir keine Sorgen, Liebling, küsse mich nochmal. Denn wenn alles gut geht, bin ich morgen wieder da. Deine süßen Küsse haben immer Glück gebracht. We'll be right back. Oiters! The musical sounds called the Barbers Callings. Right name, no comfy, make no challenge, I would say. So you got to live good in Collins, baby. Oh, whoa. The ratting coming at the night, say around midnight, I him no come, fi broke no fight. Rat me say he coming at the night, say around midnight, I him no come, fi broke no fight. Girl, I beg you out the light, lock your door tight. Barnabas a come, fi go take one bite. It was a dreadful sight, oh, him bite sister right. You should have hear she born. I beg you take time, Bonnie. Rat, I beg you take time, Bonnie. Me say rat 12 o'clock, Bonnie come out of him box. Him eye get red and him ear start dread. Him teeth get long, man, him start feel strong. Say when him forward pan the scene, you hear a girl start scream. I beg you take time, Bonnie. Rat, I beg you take time, Bonnie. Me say fi out the kangle, take off your bangle, turn your neck pan your right angle. Girl, out the kangle, take off your bangle, turn your neck pan your right angle. Him a the best in a re business. Bunny chew your neck like a Wrigley's. Bunny a the best in a re business. Bunny chew your neck like a Wrigley's. Say Bonnie this a gwan like him aristocrat. Another time him this a come in a the farm of a bat. Him fly in a the town, say my seek a come around. Another time him disappear in a one tall black gown. Come in a the town, figure out a ayon. Him a the prince of darkness. Bonnie a the prince of darkness. Say rat him gone up a the chapel, figure check sister Lord. But what him really want is just a pint of blood. Say Bonnie's not a ref or a cricket umpire. Say Bonnie is a wicked and dreadful vampire. Take time, Bonnie. Rather beg you take time, Bonnie. Oiters! The music sounds called the Barnabas Callings, I would say. Right them come for making of challenging Collinswood, baby. Coming at the night, say around midnight. Coming at the night, say around midnight. A rim no come, fi broke no fight. Rada him no come, fi broke no fight. Got me safe out the light, lock your door tight. Barnabas a come, a fi go take one bite. Out the light, lock your door tight. Barnabas a come, fi go take one bite. It was a dreadful sight, oh, him bite sister Jice. You should hear she ball. Lone Ranger est le morceau Barnabas Collins que vous pouvez trouver sur l'album Barnabas in Collinswood, sorti en 1980 sur le label JJ. Barnabas Collins, c'est l'un des tout premiers hits du DJ Lone Ranger. Et ce titre fait référence à un personnage fictif, un vampire, tiré d'une série culte des années 70 diffusée sur la chaîne américaine ABC, Dark Shadows. Et d'ailleurs, sur la pochette de l'album, on voit Lone Ranger siroter un verre de sang déguisé en vampire. Voilà, vous voyez que là, c'est quand même une musique jamaïcaine, mais bon, jamaïcaine un petit peu particulière quand même. On est un peu dans la jamaïcaine gothique, là, en quelque sorte. Et d'ailleurs, on va rester un peu dans le gothique, finalement, avec un groupe de Los Angeles. Je veux parler de Cypress Hill. Le morceau, c'est I Ain't Going Out Like That. Je prononce pas très très bien. On est en 1993 quand ce morceau est produit. C'est à ce moment-là que donc Muggs commence à faire des siennes en Californie avec ses beats terriblement efficaces et une énergie à revendre. On trouve ce classique du hip-hop sur le second album de Cypress Hill, Black Sunday. I Ain't Going Out Like That est devenu célèbre en fait le jour où au Saturday Night Live, Muggs a commencé à fumer un joint pendant que le morceau passait et les autres membres du groupe se sont amusés à détruire les instruments. Et depuis, ce groupe est interdit de télévision aux États-Unis. Mmh. C'était le début de la gloire. Voici I Ain't Going Out Like That. can't see. I need to find my way home. I need to find me. Los Angeles avec Cypress Hill et puis maintenant San Francisco avec cette production de So-Called Artists qui regroupait trois membres éminents du label Anticon, Sol et Alias pour les voix et DJ Mayonnaise pour la plupart des beats. Ce disque n'est pas sorti chez Anticon mais sur Mush en 2000. D'ailleurs, c'est le seul disque de cette formation-là. On sait que les musiciens d'Anticon ont, disons, pas mal de formations différentes, à géométrie variable, Deep Puddle Dynamics notamment. Là, récemment, nous avions écouté aussi 13 and God avec les musiciens de Notvist. Donc, le titre, c'était Music to Drown 2. Et à noter que il devrait sortir courant 2012 un nouvel album de soul justement chez Anticone, et que le dernier album d'Alias, Music to Drone into the Sky, est sorti il y a, je crois, juste 2 mois. Voilà. Et là, nous laissons la parole à Fabrice qui va enfin pouvoir intervenir dans cette émission. Oui, merci. C'est ton temps de parole qui commence. C'est mon temps de parole qui commence, mais c'est vrai que c'est un peu... Il n'y a pas si longtemps, on était encore dans les histoires de temps de parole. Oui, on va finir sur le groupe punk de Los Angeles, The Germs. Un groupe qui s'est vu honoré d'un album de tribute par toute la scène américaine, principalement les membres de Sonic Youth et leurs copains, Dan Fleming, Jamie Esquisse, le batteur de Pavement et j'en passe. Et on trouve un titre caché sur ce CD tribute qui s'appelle Epitaph, pour un groupe du passé donc, et on va se quitter là-dessus. Alors, quelques mots sur les Germs. C'est un groupe qui a punk au vrai sens du terme, avec un destin tragique et une très courte durée de vie, notamment connu par le fait que le chanteur Darby, qui était dans la pure tradition punk, lors d'un concert du 3 décembre 1980, annoncé qu'il c'était la dernière fois à son public qu'il le voyait sur scène, et il ne mentait pas, puisque 3 jours après, le 6 décembre, il mourait d'une overdose d'héroïne. C'était en 1980. Malheureusement pour lui, si j'ose dire, le 7 décembre, c'était John Lennon qui se faisait assassiner. Et donc, il s'est fait un peu voler la vedette. Voilà. Alors, je vous quitte en compagnie des Germs. Et puis, on vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale. Spéciale Feria. Feria de Nîmes. Et incroyable, oui. Mais oui. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.